Alors, le vieux qui lisait des romans d'amour de Luis Sepúlveda. Alors, je crois qu'il est chilien. Donc, c'est encore un homme de gauche, tout ça. Donc, c'est un bouquin qui n'est pas très vieux, qui a du début des, tout début des années 90, sans doute. Donc, tu vois, sur une ambiance de presque de femme Pinochet, quoi. Alors. Bon, bah, je vais faire rapidement. C'est un petit roman sympa, qui est pas merveilleux, qui a eu deux prix, le prix Relais H du roman d'évasion en 92 et le prix France Culture Étrangers en 1992. Ce qui est amusant, c'est que c'est des prix un peu à l'opposé, quoi. Les Relais H, c'est les romans simples qui se lisent facilement. Et le prix France Culture, c'est quand il y a quand même une certaine recherche. Donc, c'est très rare d'avoir les deux. Voilà. Enfin, déjà, c'est rare qu'on ait deux prix comme ça qui n'ont rien à voir. Bon. Donc, c'est l'histoire d'un. Alors, bon, il y a un flashback, mais en gros, c'est un homme qui. D'un petit village pauvre, au Pérou, je crois que ça se passe au Pérou. Il se marie, comme ils sont misérables, ils partent avec sa femme dans l'Amazonie, pour essayer d'y vivre et de vivre mieux que là où ils vivaient. Et puis aussi, ils ont dû fuir parce que. Ah ouais, je crois qu'ils n'arrivaient pas à avoir d'enfants et ils se moquaient d'eux, quoi. C'était de plus en plus dur. Bon. Pression sociale était trop forte. Donc ils sont partis s'établir, mais en fait, on les a un peu floués. Il n'y avait rien du tout. Ils ont eu de la terre, mais avec des arbres dans la forêt, vous imaginez. Bon, enfin. Donc ils s'installent. Alors il y a un flashback, mais enfin, je le fais chronologiquement. Sa femme meurt au bout d'un certain temps et lui. Il devient l'ami des Indiens. J'ai oublié leur nom d'ailleurs, mais enfin. Chouk-chak, je sais plus. Enfin bon. Donc il devient ami. Il apprend tout sur la forêt. Il devient vraiment comme un Indien, sauf que c'est pas un Indien. Du coup, il ne peut pas rester avec eux en permanence. Voilà. Parce qu'il sera jamais un Indien. Et pourtant, ils sont heureux de le voir, mais il vivra pas avec eux. Voilà. Donc il apprend, il respecte énormément leur vie simple, c'est merveilleux quoi. Il y a des comparaisons de mode de vie, bon, là il faudrait noter subtilement au fur et à mesure parce que forcément, tout ce que j'ai retenu c'est que quand ils faisaient l'amour c'était simple, il n'y avait pas de possession, il n'y avait que du plaisir pour du plaisir et que, un abandon sans calcul. Et que du coup, comme il n'y avait pas de possession, bah, de temps en temps, un ami lui prêtait, si j'ose dire, puisque c'est encore lié à la possession, sa femme, enfin, donc voilà, donc bref, puisqu'il était veuf. Alors, donc il vit pas avec les Indiens, mais après, il y a eu une sale histoire, en fait, son grand ami indien a été tué par des chercheurs d'or, des gringos, donc des Américains, blancs. Et il a dû le venger. Alors il est parti le venger, mais il n'a pas tué l'homme comme il aurait dû. Alors je sais plus, mais en gros, c'était pas un combat loyal, puisqu'il l'a tué avec l'arme, un fusil finalement. Enfin bon, il aurait dû le tuer autrement. Enfin bon, du coup, c'était l'esprit de son ami ne pourrait jamais dormir en paix. Et du coup. Il a été chassé pour de bon. Il a toujours de bon. Il est en bon terme avec les Indiens, mais il peut plus comme avant aller avec eux. Voilà. Bon, ensuite ça se passe dans une petite ville au bord de la rivière, enfin un tout petit village quoi. Et lui, il a sa petite cabane un peu en amont ou en aval, je ne sais plus. Et puis il y a le maire qui est un gros pourri qu'on a envoyé là en punition. Bon. Qui garde de l'argent à tous les niveaux. Enfin bon. Et donc c'est le maire là. Et puis un jour donc il y a une bête donc les gringos ils sont revenus morts parce que sur le fleuve parce qu'ils ont été tués par une panthère enfin un léopard. Je sais plus d'ailleurs. Bon. Et a priori ils ont fâché la femelle en tuant les petits enfin bref. Et puis ensuite, il y a un âne qui arrive dans le même état, etc. Donc, et c'est un âne d'une propriété, d'un petit propriétaire qui habite à quelques kilomètres. Donc, ils font une petite troupe et ils partent tuer la bête. Donc, ils vérifient, effectivement, ils voient que le propriétaire a été tué. Et puis, le maire se comporte très mal, de façon en plus ignorante, etc. Et pour finir, donc, ils envoient. le vieux tuer la bête tout seul. Il accepte parce que bon, il est à la hauteur a priori. Bon, j'ai pas parlé du fait, je n'ai pas parlé du fait que donc il était quasiment inculte, hein, enfin dans le sens analphabète, etc. Mais il avait juste des petits rudiments, quoi. Bon, mais un jour, le dentiste qui passait lui prête un roman. Puis c'était une histoire d'amour, il a aimé, donc le dentiste lui ramène des histoires d'amour régulièrement. Il a quand même fait un voyage une fois dans une grande ville, il a été à la bibliothèque et puis il a aimé les histoires d'amour, enfin bon. Donc il adore les histoires d'amour tristes, mais qui terminent bien. Enfin bon, vraiment la ménagère de moins de 50 ans, quoi, hein, qui regarde les feux de l'amour. Donc d'où le titre d'ailleurs, parce que c'est vrai que c'est assez adorable, il les lit, il passe un temps fou, hein, avec deux romans, il fait 6 mois, en y passant tous les jours un certain temps, parce qu'il lit très doucement, il sait pas bien lire, donc il lit la phrase tout doucement, ensuite soit qu'il a compris la phrase, il la relit vitesse normale, et puis il se délecte, et puis en plus il comprend plein de mots qu'il comprend pas, à Venise, sur les gondoles, un baiser, il comprend rien, quoi. La complicité du gondolier, pour lui, c'est un voyeur immoral, bref, il comprend rien. Mais, à certains détails de ce type-là, quoi. Il y a un rapport, donc c'est très écologique, c'est très de gauche, c'est très antimatérialiste, c'est très anti-occidental, disons dans le sens... on a beaucoup à apprendre des Indiens dans leur territoire. Qu'est-ce qui se passe? Donc, ouais, il est seul à tuer la panthère. Donc, il y a un face-à-face terrible. Une grande patience, une traque. Ils sont intelligents des deux côtés. Ils se connaissent bien. Enfin, bon, bref. C'est assez intéressant. Bon, c'est pas très long. Bon. Ouais, c'est un livre qui fait 120 pages. C'est tout court. Et puis, à un moment, il comprend pas, elle se met devant lui, elle veut, on sait pas trop ce qu'elle veut, et il finit par foncer, et puis au moment où il pourrait lui tirer dessus, elle pousse un cri bizarre, il s'approche et il voit qu'en fait, il y a son compagnon, qui est le léopard mâle, qui est blessé à mort. Et il comprend qu'elle veut qu'il le tue, pour abréger ses souffrances, donc il le tue. Et puis il part au bord de la rivière sous une barque retournée pour dormir. Parce que ça fait un certain temps qu'il n'a pas dormi. Et puis il entend la léoparde, qui veut sa peau. Elle veut sa peau. Et donc elle est au-dessus de la barque, elle tourne autour de la barque, elle commence à creuser. Enfin, c'est l'horreur. Elle urine sur la barque, alors que ça, elle ne le fait que sur des cadavres. Donc il en déduit qu'elle devient un peu folle, qu'elle pense qu'elle a déjà tué sa proie. Enfin bon. Elle gratte la terre, et donc il tire, il se fait mal lui, il se blesse, mais je sais plus comment, en tirant, mais enfin il se blesse, mais il blesse aussi la léoparde à la patte. Ensuite il dort, elle s'écarte, il se réveille, il soulève la barque, elle est à 100 mètres, il est en face d'elle, il a le fusil, elle finit par courir vers lui pour l'attaquer, et il attend le plus longtemps possible pour tirer, et finalement c'est quand elle est en l'air qu'elle saute pour lui sauter à la gorge. Au dernier moment il tire et il la tue, et il est triste d'avoir tué cette bête, parce qu'elle a été rendue folle par les hommes et que c'est pas glorieux pour lui. Là j'ouvre le livre à la dernière page, donc la poitrine est déchiquetée. C'est vraiment une très grande bête, un chef-d'œuvre. Et il pleure de honte. Il se sent pas vainqueur de la bataille. Et donc il pousse le corps de l'animal dans la rivière. Où finalement le corps sera à l'abri des hommes. Des hommes blancs. Et il jette également le fusil dans l'eau. Donc il maudit les hommes qui ont conduit à ça. le maire, les chercheurs d'or, etc. Et il retourne à sa cabane qui s'appelle El Idilio. Idilio, sans être hispanisant, on a l'impression que c'est merveilleux, l'idylle, quoi. Et sa cabane, et ses romans qui parlent d'amour. Voilà. Intéressant. Voilà, c'est mignon, c'est beau, mais c'est pas grandiose, mais voilà. Enfin, c'est pas grandiose dans le sens que ça, c'est pas une histoire pleine de souffle, etc. Mais ouais, je suis peut-être exigeant en roman maintenant. Bon, enfin voilà. C'était Luis Sepúlveda, le vieux qui lisait des romans d'amour.